J'ai peut-être la vie d'un sale chien, les pensées d'un malsain. Jette un œil sur ce monde et j'en conclus être un martien. Avec moi on se marre bien. Je peux aussi taper des putains de battes, j'ai pas les grands caissés, même les lutins stables. J'ai peut-être la vie d'un escroc, cache bien mes chagrins. Si je te dis laisse moi rapper gros, c'est que mon esprit en a besoin. Face à la bêtise humaine, moi je reste abasourdi. Compte pas sur moi si tu souhaites que je la foute en sordine. J'ai peut-être la vie d'un artiste, mais pour l'instant pas de salaire. À vrai dire, ce que t'en penses, je m'en fiche, donc je redonne ce salaire. Rien à foutre d'être le MC à la mode, je m'en balèque. Dire que je n'ai rien dans le beat, t'es qu'un rageux, donc je te rabaisse. J'ai la vie d'un mec qui grandit, chaque jour j'ai de nouvelles idées. Je rêve de gros chèques et de pif, comme une bonne majorité. J'aurai après désiré souvenir. Tracaille en vie, je remercierai jamais assez Dieu d'être encore en vie. J'ai peut-être la vie que je mérite, parfois vrai que j'y médite. Je rêve de réussite, mais la jalousie que ça suscite me faisait renoncer à ça. Donc je rappais seul dans mon coin, je suis désolé si je fais du mal, mais j'en avais vraiment besoin. J'ai peut-être la vie que je mérite, parfois vrai que j'y médite. Je rêve de réussite, mais la jalousie que ça suscite me faisait renoncer à ça. Donc je rappais seul dans mon coin, je suis désolé si je fais du mal, mais j'en avais vraiment besoin. J'ai peut-être la vie d'un sadique, alors dis-moi pourquoi ce soir on traîne en vente panique. Moi je ne dis pas n'importe quoi. Quoi faire et que dire quand les joies de la vie m'attirent. Et je me dis au final qu'il y aura toujours un frère triste. J'ai peut-être la vie d'un menteur, si ça se trouve j'aime personne. Je persiste à croire que les moqueurs aiment se donner les bons rôles. J'ai l'impression d'avoir le cœur aussi vite que le fond de mes poches. J'ai pas envie de ne pas y croire même si je tire la mauvaise pioche. J'ai peut-être la vie d'un con, dans le fond je ne m'en fais pas. La vie de mes morts, écoute ce son et dis-moi que je t'effraie pas. Certains s'attristent à croire que la vie est synonyme de garde. Donne-moi le beat, je l'utilise pour y poster à vos phares. J'ai la vie d'un mec un peu mort, alors du coup je compose sur ce que l'homme vit dans un décor à en faire frémir un fantôme. Ma rime je vous la vends pas, même si le potentiel est là. Et si je fais pas ton kiff quand je rappe, je suis désolé mais je reste là. J'ai peut-être la vie que je mérite, parfois vrai que j'y médite. Je rêve de réussite, mais la jalousie que ça suscite me faisait renoncer à ça. Donc je rappais seul dans mon coin, je suis désolé si je fais du mal, mais j'en avais vraiment besoin. J'ai peut-être la vie que je mérite, parfois vrai que j'y médite. Je rêve de réussite, mais la jalousie que ça suscite me faisait renoncer à ça. Donc je rappais seul dans mon coin, je suis désolé si je fais du mal, mais j'en avais vraiment besoin. J'ai peut-être la vie d'un clown, tout ce que je rappe vous fera rire. Je ne rêve plus car je suis à bout, je te promets qu'il n'y a pas de crari. Je m'en branle de tout quand toi tu rêves d'une bête de Porsche, Ferrari. La musique est dans mes gènes, elle est ma seule vraie thérapie. J'ai peut-être la vie d'un fou, mais qu'il vit en silence. La hache du loup, il y a bien longtemps que je lui ai mis une distance. Un homme au demeurant sensible, pourtant élevé à la dure. Vive dans un monde trop nuisible, donc le whisky je le boirai pur. J'ai peut-être la vie d'un amnésique, qui oublie les bons moments. Quand dans ta vie se passe rien de magique, ça en devient déroutant. Rien à foutre aux impressions, ne cherchez pas le fond des pensées. Fais ta psycho sur mes sons, tu n'y verras qu'un romancier. J'ai la vie d'un mec sensible, quand je pleurais, je ravale mes larmes. J'ai l'impression comme si je tenais pas la parole, mes larmes. J'aime ces gens qui me disent qu'il ne faut pas que je renonce. Écoute ce son et dans le fond, dis-toi juste que ça défonce. J'ai peut-être la vie que je mérite, parfois vrai que j'y médite. Je rêve de réussite, mais la jalousie que ça suscite me faisait renoncer à ça. Donc je rappais seul dans mon coin, je suis désolé si je fais du mal, mais j'en avais vraiment besoin. J'ai peut-être la vie que je mérite, parfois vrai que j'y médite. Je rêve de réussite, mais la jalousie que ça suscite me faisait renoncer à ça. Donc je rappais seul dans mon coin, je suis désolé si je fais du mal, mais j'en avais vraiment besoin.